Togo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 19 octobre 2021. Voici les grands titres de cette édition. Un forum national de haut niveau des femmes leaders se tient à Bujumbura depuis ce mardi avec pour objectif d'identifier les bonnes pratiques pour atteindre la malnutrition zéro. C'est le chef de l'État qui en a lancé officiellement les assises. Et le ministre burundais de la Défense annonce la remise ce mardi de 10 Rwandais arrêtés sur le sol burundais. La cérémonie a lieu sur la frontière d'Ugasenyi-Nemba en Provence et Kirundo. Le président de l'association Nabariza de défense des droits des prisonniers demande aux différentes autorités locales de collaborer étroitement avec les magistrats pour éviter des emprisonnements arbitraires qui ne font que gonfler inutilement la population carcérale. Et dans la chronique santé comme tous les mardis, on en saura davantage sur la lombalgie, une maladie qui attaque le bas du dos. Et ce sera avec Dr Alexis Sinzakaraye, il est rhumatologue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'augmentation du nombre de détenus dans les cachots des zones urbaines est due au comportement de certaines autorités qui abusent de leur pouvoir en incarcérant injustement les gens. Explication du président de l'association Nabariza qui lutte pour la défense des droits des prisonniers. Pour trouver une solution à ce problème, Jean-Marie Chimirimana appelle les autorités à bien collaborer avec les magistrats. Dans les prisons zonales et communales, nous nous rendons compte que les effectifs des détenus sont excessifs. Il y a le fait de trafic d'influence où ceux qui ont une telle connaissance auprès d'un OPJ ou d'un procureur font recours à l'emprisonnement abusif. Le président et le ministre de la Justice ont déjà dénoncé cette pratique. Les Burundais doivent savoir qu'emprisonner n'est pas la solution première. Nous savons que le président a instruit l'inspecteur de la police de passer dans ces cachots pour s'informer sur les infractions commises. Nous sommes dépassés, mais nous ne pouvons pas nous lasser à prodiguer les conseils. Espérons que tôt ou tard, ils prendront conscience. Les conséquences sont entre autres les familles qui passent le temps à visiter les leurs au moment où souvent c'est le chef de la famille qui est sous les verrous. Le pays perd, même un docker contribue pour son pays. Un endroit destiné à 10 détenus, vous y trouvez 100 personnes. Les lamentations à la matière sont normales. Nous disons que la quadrilogie devrait prendre bras le corps cette situation. Et puisque nous parlons des droits, la mesure prise par la ministre de la Solidarité et des Droits de l'Homme portant fermeture des orphelinats qui, selon elle, ne respectent pas les droits de l'enfant est irréversible et est déjà mise en vigueur. Précision du secrétaire permanent au sein de son ministère, Félix Nguendawanyikwa explique que le détachement de l'enfant de son éducateur est tout un processus dont parmi les États figure le contact des responsables de ces orphelinats afin de faire muter ces enfants ailleurs. À ceux qui demandent la révision de cette mesure, il leur répond que les restes inchangés, d'autant plus qu'il leur a été accordé une durée suffisante de 3 ans pour se conformer aux normes standards des orphelinats. Et d'ajouter que parmi ces orphelinats fermés, certains n'étaient pas reconnus par l'État. D'autres abritaient des enfants non enregistrés, pendant que d'autres encore ne disposaient pas de juristes ni d'avocats. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 10 personnes de nationalité rwandaise arrêtées sur le sol burundais seront remises ce mardi à l'armée rwandaise à la frontière de Gasenyi-Nemba dans la province de Kirundo. Ça a été dit ce mardi par le ministre de la Défense lors de la présentation du bilan des réalisations de ce ministère au cours de ce trimestre. Alain Tribert Moutawazi a indiqué qu'il y a eu des procès contre des militaires qui se sont mal conduits. Arthur Kavabouchi. En présentant le bilan des réalisations du ministère de la Défense durant ce trimestre, Alain Tribert Moutawazi s'est exprimé sur le cas des personnes récemment arrêtées sur le sol burundais et qui vont être remis à l'armée rwandaise. Ce sont des Rwandais qui ont fui quand le Rwanda faisait face à des gens rwandais qui perturbaient leur sécurité. Et comme on sait que nous sommes des pays frontaliers. Il y a quelques Rwandais qui se sont évadés et on les a appréhendés dans différentes localités, surtout à proximité de la frontière avec le Rwanda, dans la province de Cibitoke. Donc ce sont des malfaiteurs rwandais qu'on va promettre à l'autorité rwandaise pour que les autorités rwandaises s'occupent de les ressorts, parce que ce sont les ressortissants. Et c'est dans le cadre de renforcement de la diplomatie, de la collaboration, d'avoir de bonnes relations entre les pays, mais aussi entre les instituts, qu'est au niveau international et régional. Quant aux réalisations de son ministère, figure entre autres la lutte contre la corruption et la fraude sur le lac Tanganyika. Dans le but de lutter contre la corruption et les fraudes, des efforts ont été fournis pour décourager ces mauvaises pratiques. Trois colis contenant 6800 sachets Wipang ont été saisis par les militaires de la marine à hauteur de Rusizi et Kajaga en provenance de la RDC. Ces objets ont été remis à l'auberge. 750 kg de graines de palme acheminées vers Tanzanie ont été saisies au niveau de Kabonga et ont été remis à l'auberge. Des formations dans divers domaines vont être renforcées et les militaires vont recevoir des équipements modernes. Les patients qui viennent se faire vacciner au bureau du programme élargi de vaccination demandent au ministère de la Santé de changer la manière de se faire enregistrer pour avoir le vaccin. Après qu'ils aient remarqué que pour avoir un rendez-vous pour ce vaccin, il faut passer par un link, ils font remarquer que ce n'est pas tous les Burundais qui ont accès à l'Internet. Suivez cette personne qui s'est confiée à notre reporter. Il pourrait y avoir des inscriptions en utilisant le SMS. SMS Lumitel, SMART, Onamob, ces organisations-là pourraient permettre que les SMS puissent être comme des emails pour rentrer dans ces plateformes. Peut-être qu'ils ne pourront pas rentrer dans la plateforme, ils pourraient trouver leur fiche sur place en montrant leur enregistrement. Ce qui est tout à fait normal et facile, ce sont les médias sociaux et nous connaissons la résultante, le outcome de tout ce que peut réaliser les médias. Voilà, c'était une personne que notre reporter a rencontrée au programme élargi de vaccination. Plus de 70 publications sur la biodiversité ont été faites par Benoît Nzigidahira lors d'un colloque ce mardi sur la biodiversité au Burundi organisé par le ministère de l'Éducation en collaboration avec l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE et l'ARES. Le représentant de ce ministère a précisé que c'est une occasion de montrer l'importance de la biodiversité burundaise et immortaliser les œuvres de feu Nzigidahira décédé en 2018. Et selon Herménégilde Bricouquier, les œuvres du défunt ont aidé plusieurs étudiants de l'Université du Burundi et ceux de l'École normale supérieure. Et pour revenir sur le Covid-19, sachez que le vaccin contre le Covid-19 a été introduit dans le monde à la va-vite sans avoir analysé préalablement les conséquences. C'est une déclaration de ce dimanche du Premier ministre burundais lors de la distribution des kits scolaires et nutritionnels dans sa commune natale de Mingakayove en province Rutana. Alain Guillaume Ouignoni a cependant fait savoir que ce vaccin est en soi une bonne chose. Et ce vaccin n'empêche pas les gens de souffrir une seconde fois ou d'en mourir, a-t-il précisé. Ce sont des vaccins très chers, ce qui en outre a poussé certains États à vouloir les produire afin de les commercialiser, a-t-il ajouté. Je vous l'avais dit, identifier les bonnes pratiques et défis pour l'atteinte de la malnutrition zéro, renforcer les capacités des femmes leaders sur l'importance de l'alimentation de la femme enceinte. Voilà quelques défis et quelques objectifs du Forum national de haut niveau des femmes leaders. C'est la deuxième édition tenue ce mardi à Bujumbura. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, qui a officiellement lancé les assises de ce forum, a interpellé les investisseurs à appuyer le gouvernement du Burundi dans la lutte contre la malnutrition. On passe maintenant à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La lombalgie est une maladie qui attaque le bas du dos. Docteur Alexis Inzakaraye, rhumatologue, explique qu'une douleur souvent intense en est souvent le signe majeur et la durée dépend de la cause comme un tendon, une lésion à un muscle. Et cette maladie touche les jeunes comme les personnes âgées. Les détails avec Ornella Mucho. La lombalgie, c'est une maladie qui attaque la partie basse de la colonne. Une maladie souvent confondue à la maladie rénale, selon le rhumatologue Alexis Sinzakaraye, plus de 85% c'est une lombalgie aiguë due à une mauvaise utilisation du dos. Lombalgie aiguë, elle est liée surtout à une mauvaise utilisation du dos. Exemple, position assise prolongée. Une station debout prolonge la même chose, la musculature du dos ne supporte pas. Si ce n'est pas traité précocement, après ça va évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire une douleur qui sera permanente et qui restera présente pendant des mois et des mois et des années et des années. Et là, ça change le contexte. Ça devient une maladie qui accompagnera la personne toute la vie, dans toutes les activités. Une douleur localisée dans le bas du dos, c'est le signe majeur de la lombalgie. Il y a une lombalgie commune, la plus fréquente d'ailleurs parce que c'est plus de 95%. Et la lombalgie symptomatique, c'est-à-dire que c'est un signe d'une autre maladie. Alors si je reviens sur la lombalgie commune, aiguë, donc la douleur est mécanique, associée à des contractiles musculaires, avec une position de raideur de la colonne antalgique, et la personne sera en position inclinée, soit penchée en avant ou latéralement. Et la lombalgie chronique souvent, qui dure longtemps, la douleur est moins intense que pour la lombalgie aiguë. C'est une personne qui souffre quotidiennement et de façon régulière. Bon, supportable, qui ne l'empêche pas, si vous voulez, d'aller faire certaines choses, mais qui l'handicape dans sa vie. Cette douleur peut être accompagnée d'une raideur, mais modérée par rapport à la lombalgie aiguë. Les plus touchés dépendent de leur travail, comme ceux du secteur de transport, le problème gynécologique, en cas de grossesse rapprochée, mais aussi les personnes âgées. Les sujets jeunes sont plus touchés par des facteurs professionnels, le fait de rester longtemps assis au bureau, le fait de soulever les charges, ça concerne surtout les gens actifs. J'ai encore jeune, actif. La sédentarité touche surtout les personnes âgées qui ont des comorbidités, ça veut dire d'autres maladies, qui les rendent vulnérables et ils trouvent du confort en restant assis. Et malheureusement, ça conduit à la lombalgie. Les femmes enceintes et les femmes après l'accouchement, ce sont d'autres catégories qui sont victimes de la lombalgie aiguë. Chronique. Le traitement et le mode de prévention, rendez-vous dans notre prochaine chronique santé. Merci Ornella Mucho, merci docteur Alexis Sinzakaraye pour ses éclairages sur la lombalgie. Je vous parlais tantôt du forum qui est organisé, du forum national de haut niveau des femmes leaders, la deuxième édition qui se tient à Bujumbura depuis ce mardi. Eh bien, le chef de l'État, je vous le disais, a officiellement lancé ses assises en appelant les investisseurs à appuyer le gouvernement du Burundi dans la lutte contre la malnutrition. De son côté, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, qui préside de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, a précisé que ces femmes leaders vont apprendre durant les deux jours d'autres méthodes pouvant permettre l'éradication de la malnutrition au Burundi. On l'écoute. Nous soutenons régulièrement les activités de supplémentation nutritionnelle qui s'offrent tous les jeudis dans les centres de santé du pays. De même, l'OPEDA de Burundi ne ménage aucun effort pour venir en aide aux enfants souffrant de la malnutrition par l'octroi des appuis multiformes, surtout dans les orphelinats et les centres de prise en charge des enfants vivant avec handicap. L'objectif de ce forum est de donner l'occasion aux femmes leaders d'échanger sur le pas déjà franchi par rapport au combat contre la malnutrition au Burundi, apprendre de l'expérience des autres pays et définir d'autres méthodes et stratégies susceptibles de nous permettre d'arriver à l'éradication de la malnutrition au Burundi. Durant ces deux jours, les participants à ce forum vont échanger sur les thèmes: la situation nutritionnelle en Afrique et dans le monde, la situation nutritionnelle au Burundi, succès, défis et perspectives, la nutrition chez la femme et l'enfant, l'impact de la malnutrition sur le développement socio-économique, retour sur l'investissement et le coût de l'inaction. Madame Angéline Ndayishimiye, qui préside l'Organisation des Premières Dames d'Afrique. Et pour boucler ce journal dans le reste de l'actualité africaine, au Nigeria, au moins 43 personnes ont été tuées dimanche en fin de journée dans une attaque au nord-ouest du Nigeria. Des hommes armés appartenant à une bande criminelle présumée ont attaqué un marché de village dans l'état de Sokoto. Le 8 octobre, un gang a attaqué le marché dans notre village dans le district de Sabon-Birni, près de la frontière avec le Niger, tuant 19 personnes. Depuis le mois dernier, les troupes nigérianes mènent des opérations aériennes et terrestres contre les camps de bandits dans l'état voisin de Zamfara. Les services de télécommunication ont également été interrompus à Zamfara et dans certaines parties des états de Kaduna et de Katsina. Il est 13h12 à Bujumbura. Le rappel des grands titres avant de nous séparer. Un forum national de haut niveau des femmes leaders se tient à Bujumbura depuis ce mardi avec pour objectif d'identifier les bonnes pratiques pour atteindre la malnutrition zéro. Et c'est le chef de l'État qui en a lancé officiellement les assises. Le ministre burundais de la Défense a annoncé la remise ce mardi de 10 Rwandais arrêtés sur le sol burundais. La cérémonie a lieu sur la frontière de Gasenyi-Nemba en province Kirundo. Et le président de l'association Ntabariza de défense des droits des prisonniers demande aux autorités locales de collaborer étroitement avec les magistrats pour éviter des emprisonnements arbitraires qui ne font que gonfler inutilement la population carcérale. Et dans la chronique santé, vous venez de le suivre, il a été question de la lombalgie, une maladie qui attaque le bas du dos. Et c'était avec Dr Alexis Sinzakaraye, rhumatologue. Merci à vous tous d'avoir suivi avec intérêt ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la complicité technique de François Akimana. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.